dernière TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborg. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Prudence si vous prenez l'avion à l'aéroport de Bruxelles aujourd'hui. Les bagagistes de Swissport sont en grève depuis ce matin, 5h, un mouvement spontané. Le personnel dénonce un manque de moyens humains et matériels. Les syndicats demandent l'embauche de 20 équivalents temps plein pour la période des vacances. Alors il y a évidemment des conséquences à cette grève, des retards pour les compagnies qui travaillent avec Swissport et des voyageurs qui partent sans bagages en soute. On parle de la moitié des vols depuis l'aéroport qui ont du retard. Retard moyen de 45 minutes. Certains passagers doivent aussi rentrer chez eux sans leur bagage. Les personnes concernées sont invitées à remplir un formulaire de réclamation auprès de leur compagnie aérienne. C'est un geste fort et un message clair. L'ONG Médecins Sans Frontières ne veut plus de l'argent européen pour mener ses projets partout dans le monde. Ni les fonds des institutions européennes, ni ceux de ses pays membres. MSF veut dénoncer par là la politique migratoire de Bruxelles et plus particulièrement l'accord européen avec la Turquie. Ces fonds représentent 8% du budget total de MSF, autour de 50 millions d'euros. MSF promet que cela n'aura pas d'impact sur ses projets. Le déficit sera comblé autrement. Écoutez, Jérôme Oboret, secrétaire général de l'ONG. Aujourd'hui, nous allons continuer à essayer de diversifier nos revenus avec des personnes et un partenariat avec des individus et des institutions qui sont prêtes à s'engager dans le même combat que nous, là où on n'est pas prêt à avoir des pertes collatérales par rapport à des individus, par rapport à une politique plus large. L'action humanitaire, par définition, est une action qui est là pour les individus qui se retrouvent dans les pires des situations. Aujourd'hui, la politique européenne crée plus de nuisances que de capacité de réponse par rapport à ces populations. Des propos recueillis par Aline Moivreille et la Commission européenne a réagi à cette décision. Elle en prend note, plutôt embarrassée. Quant au ministre belge de la coopération et du développement, Alexander De Croo, il regrette cette décision. Cette reconstitution à Etterbeek en région bruxelloise, reconstitution dans le cadre des attentats du 22 mars. Tout le quartier de La Chasse à Etterbeek est bouclé. Tout le quartier, en fait, autour de la planque du kamikaze qui s'est fait exploser dans le métro à Malbec et de l'homme au sac à dos qui avait renoncé à se faire exploser le 22 mars. Tout se passe à l'intérieur de l'appartement, selon nos sources. Les quatre suspects sont présents avec les équipes d'enquêteurs et le juge d'instruction. Il y aura une session extraordinaire au Parlement britannique lundi. Décision de David Cameron après l'assassinat hier de la députée travailliste pro-européenne Jo Cox. Le Premier ministre a lancé un vibrant appel à la tolérance et à l'union cet après-midi à Birstall. C'est la ville au nord de l'Angleterre où ont eu lieu les événements d'hier. Un hommage a été rendu en présence de David Cameron, du chef de l'opposition et du président. Les habitants continuent à déposer des fleurs et des cartes au centre-ville en mémoire de la députée. On a retrouvé la deuxième boîte noire de l'Airbus A320 d'Égyptair. La première avait été repêchée hier, c'était celle contenant les enregistrements des conversations dans le cockpit. Celle retrouvée ce matin contient les données techniques de l'appareil. Avec toutes ces informations, on va peut-être enfin savoir ce qui s'est réellement passé le 19 mai dernier. L'avion s'était abîmé dans la Méditerranée avec 66 personnes à bord. Personne n'avait survécu. À l'Euro de football, c'est un match qui met un petit coup de pression sur les épaules des Diables Rouges qui se jouent en ce moment. Suède-Italie, rencontre du groupe E, celui de la Belgique. On fait le point avec vous, David Bertrand. Oui Marie, on débute à l'instant la deuxième mi-temps de cette rencontre qui se déroule à Toulouse, la ville chère à Claude Nougaro. Et après 45 minutes de jeu, le score est de 0 partout. Une première mi-temps assez terne jusqu'ici, très peu d'occasions de part et d'autre. Un seul tir cadré pour l'Italie dans cette première mi-temps et rien pour la Suède. Rien de bien enthousiasmant donc à se mettre sous la dent. Une rencontre fermée. Et une Italie nettement moins séduisante que face à la Belgique pendant ses 45 premières minutes. La Suède, de son côté, tient l'échange pour le moment. Ce match que suivent évidemment attentivement les supporters belges, puisque le résultat aura des conséquences sur la situation des Diables dans cet Euro. On rappelle que si l'Italie perd cet après-midi, la Belgique devra signer un match nul ou une victoire demain contre l'Irlande du Nord, sinon elle sera déjà éliminée de cet Euro. Le score est donc favorable aux Diables pour le moment. Italie-Suède, la deuxième mi-temps vient donc de reprendre, alors que les Diables responsables, eux, vont débuter dans quelques instants leur entraînement dans leur camp de base du Élan à Bordeaux. Merci David. Et puis du tennis, Roger Federer trop fort pour David Goffin aujourd'hui sur le gazon du tournoi de Halle, c'est en Allemagne. Le Suisse s'impose 6-1, 7-6 en 1h20. Il passe en demi-finale. David Goffin a eu des occasions pour remporter le deuxième set, 5 balles de set au total, mais le Belge s'incline finalement pour la 5e fois en autant de matchs contre Federer. Chez les dames, Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les demi-finales à Majorque, tournoi sur gazon là aussi. Elle a battu la paraguayenne CP de Roig 7-5, 6-3. Voilà pour ces infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux et c'est avec vous, Walid. Effectivement, Marie, retour de l'information avec vous tout à l'heure à 16h30. D'ici là, oui, nous sommes presque sérieux. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. On est l'équipe de Jeannette. On joue comme des nanas maintenant. Mais va au mastic, quoi, on va plus jamais au mastic. Non mais il faut faire quelque chose, on est en 2016, je croyais que cet accent wallono-picard avait été interdit par la Convention de Genève. Il est en train de nous décrédibiliser dans le monde entier. Et même son argument pour se dédouaner quelques jours plus tard, mon frère était prof de français, ça n'a trompé personne. Vous êtes dans l'agroalimentaire, vous voulez booster votre produit local, fromage qui pue, tarte au boudin, drôle de couleur mais bon goût, pensez à l'AFSCA. Une simple visite de l'AFSCA peut aller jusqu'à tripler vos ventes. Et merci qui ? Merci l'AFSCA. Merci l'AFSCA. L'AFSCA, c'est super sympa. CEB, ça veut dire quoi ? Certificat d'études barbantes. Imaginez l'un des plus grands auteurs de l'histoire de la comédie française. J'ai nommé Jean-Baptiste Poquelin, dit alias Molière. Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Non, là, vous Réponse dure, silence Walid. Et ouvrez vos pensées. Ça te va toujours, François ? Très bien, je m'amuse beaucoup. C'est vrai ? Ouais, ouais. Ça se voit pas. Et pendant ce temps-là, et si les slogans de pub changeaient ? Quick. Nous. Nous vous donnerons l'envie Volkswagen. Je ne suis pas fou ! Si un jour t'es mis en lumière dans un groupe de supporters, alors il faut te retenir. Doter ton t-shirt quand c'est dans ton ventre qu'est le ballon. Bon, attention de ne pas s'enflammer. Il n'y a pas beaucoup de mérite à être traité de gauchiste par De Staeck. Je veux dire, il y a plus de place à gauche d'Alain De Staeck que sur le piétonnier de Bruxelles en dimanche 4h du matin en plein mois de janvier. D'ailleurs, c'est marrant, le jour où on apprend que De Staeck est suspendu, le piétonnier l'est aussi. Sur Twitter, le compte MR de Rire a d'ailleurs parlé du piétonnier de Bruxelles et du piétiné d'Ixelles. Flashé à 229 km à l'heure à bord d'une Kangoo. Il y a une Porsche qui le poussait ou quoi ? 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Putain, les gars, ouvrez-la ! Avec cette déclaration entendue hier, à défaut de grosse fierté, bien Marc Wilmot se fait dans la grossièreté. Alors, il ferait bien de prendre exemple sur son gardien, Courtois, qui met toujours des gants, donc pour s'exprimer, ou sur le MR Ixellois, qui a pris la peine hier de remercier Alain De Staeck, ou encore sur cette Britannique de 86 ans, qui, quand elle utilise un moteur de recherche, commence par écrire « s'il vous plaît » et termine sa demande par un « merci ». Ah ouais, ah, si la politesse pouvait devenir la norme dans nos sociétés. Enfin, qui sait, peut-être qu'un jour, Bardo Weaver et Marc Goblet se répondraient but à contact, hein, mais on rêve sans doute un peu. Eux, en matière d'humour, ils sont tellement bien élevés qu'ils vous voient les sommets. Ce sont vos humbles serviteurs du jour. À commencer par celui qui maîtrise comme personne le savoir-vivre, c'est grâce au Rothschild. Oui, mais plus à leur mouton qu'à Nadine, hein. Edgar Schotz, bonjour. Bonjour, Walid. Si l'exactitude et la politesse des rois, alors on est sûr que son tout nouvel humour n'est pas de la lignée des Saxe-Gobourg-Gotha. C'est Gilles Dalle, bonjour. Hello, tiens, c'est assez facile de distinguer son sentiment puisqu'il l'exprime tous les jours dans la presse. C'est Frédéric Dubus, bonjour. Bonjour Dite, ça va bien ? Ouais, toi allez ! Eh, bien ouais, on va le faire avec l'accent picard. Génuflexion ou baise-main ? Ouais, pour le saluer, tiens, justement, c'est ce qu'on fait quand on rentre dans son bureau. Sa grandeur sérénissime s'est inspiré le respect de la part des genoux, c'est Raoul Reyers. C'est vrai. Tiens, on l'a tellement polie, elle, qu'aujourd'hui, elle fera briller l'actualité. C'est Catherine Ronvaux, bonjour. Mes hommages, Walid. Homme, sweet homme, c'est sa devise. Ajar Boulèche, notre assistante, oui. Elle me demande pourquoi. Elle est partie. Moi aussi, je demande pourquoi. Il y a un truc qu'on a loupé. Oui, mais c'est parce que c'est notre homme à nous. C'est une blague de bureau. Voilà, c'est blague de bureau qu'on aime partager avec nos auditeurs. C'est plutôt une blague de vestiaire. Voilà. Et plus on parle fort, et moins elle hausse le ton. Et inversement, c'est Roxane Brunet qui réalise cette émission pour vous. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour presque sérieux. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Soyez les bienvenus. C'est presque sérieux. Sur la première. Au programme, sur la première, de l'impertinence, du rire, du savoir-vivre, de la gaieté, de la joie de vivre, avec du au sexe. Programme aussi, oui, on va en parler un petit peu. Faut on va en parler avec Catherine Ronvaux. On parle de café serré, mais pas au niveau du pantalon. Alors là, il y aura du football au programme, on parlera bien entendu de l'actu du jour, triste, hein, l'assassinat de Joe Cox avec Edgar Schotz. On interviewera un invité surprise. Tout à fait, Walid. On ne sait pas qui c'est. Ah bah non. Sinon, ce ne serait pas une surprise. Absolument. Voilà. Ce sera le programme de 7h30 que nous passons avec vous en ce vendredi où que vous soyez, alors que se déroule pour le moment un match de grande importance pour les Diables. C'est pas encore fini ce truc. Ah ouais. Donc si je comprends bien, la semaine passée on devait être contre l'Italie et aujourd'hui on doit être pour l'Italie. Ah, aujourd'hui on doit être pour l'Italie. C'est-à-dire que si l'Italie... Oui, on a compris. Voilà. Enfin, on a entendu les infos. Ouais. Bon, on vous tiendra au courant, c'est bien entendu. C'est bizarre quand même le foot. En attendant, on vous invite à participer avec nous. Qui a dit du jour pour repartir avec des cadeaux, avis à tous les cinéphiles. On vous invite aujourd'hui au cinéma. Jouez avec nous et remportez vos 4 entrées cinéma estampillées Les Grignoux. Vous envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Le qui a dit du jour, je vous le donne en mille, c'est quelqu'un qui l'a prononcé. À votre avis, de qui s'agit-il ? Qui aurait pu dire c'est un grand malade ? Malade. Okay. C'est un grand malade. À votre avis, on vous fera des propositions dans quelques minutes. Le temps pour nous intéresser à la une du jour en ce vendredi. C'est parti. L'info en chanson, deux extraits, deux infos qui se cachent derrière ces deux morceaux que voici. Jacques Dutronc, la publicité, ou Camille, la France. C'est avec Camille que nous entamons cette émission de ce vendredi. Écoutez attentivement et dites-moi un petit peu à quoi ça vous fait penser. Edith Piaf. Oui. Ça fait penser à Nicolas Sarkozy en accéléré. Ah, c'est vrai aussi. Ah, non, c'était pas ça. À Balmusette. Non. L'identité française. Non, absolument pas de rapport avec la France, mais il y a un lien. C'est ta confusion. Oui, c'est avec quand l'euro, même. C'est... alors. Non, c'est-à-dire que c'est les Belges qui vont en France. Pour l'euro. Entre autres en France, pas qu'en France, mais en l'occurrence... En vacances, non. Qu'est-ce que nos amis belges... pourquoi ils peuvent aller aux Pays-Bas aussi. Qu'est-ce que les frontaliers peuvent aller faire en France? Acheter des cigarettes et de l'alcool. On n'est pas très loin. De l'eau. De l'eau. Pas que. Bah donc, Faire leurs courses. Voilà, je suis bien Edgar. Acheter des clopes et de l'alcool. Bah faire leurs courses, quoi. Je ne vois pas la différence. Eh oui, les Belges font de plus en plus leurs courses en dehors du pays. L'année dernière, les Belges ont dépensé 123 millions et demi d'euros en alimentation et boissons dans des supermarchés étrangers, principalement des pays voisins, ce qui représente donc 6,6% de plus qu'en 2014. En 2015, les achats alimentaires transfrontaliers des Belges ont augmenté de 6,6%. C'est ce qu'on a appris hier de la part de la Fédération de l'industrie alimentaire, FEVIA, au lendemain d'une publication d'Eurostat, selon laquelle l'alimentation en Belgique est 8% plus chère que la moyenne de l'Union européenne. FEVIA met donc en garde contre les risques de perte d'emploi, des coûts salariaux élevés, le nombre d'ailleurs de taxes et cotisations sur l'alimentation et les boissons incite donc nos compatriotes à faire de plus en plus leurs achats en dehors de la Belgique. Ah, 8% plus cher avec 5% de calories en moins, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, effectivement. Tiens, moi, je fais toutes mes courses comme ça. Comment ? Je vais acheter mon fromage en Hollande, mon vin en Espagne. Pourquoi pas en France ? Le vin espagnol est meilleur. Et alors, je vais ma choucroute en Allemagne, tout ça. Et ça prend un peu de temps, mais pourquoi c'est beaucoup moins cher. Moi, c'est la même chose. Mon H à Maastricht, mon whisky en Écosse. Et quand fais une sauce bolognaise, autant vous dire que c'est compliqué. Ouais. Et moi, j'y ajuste le coca. Je vais l'acheter à New York. Tiens, parlons des abeilles. Magnifique. Mais je vais vous. Alors, tant qu'il en reste. Alors, les abeilles, faut le savoir, ont un odorat très très très développées. Elles sont capables de détecter n'importe quelle odeur enterrée dans le sol. Et on les dresse, les abeilles. À quel dessin peuvent-elles être utilisées ? Dessin d'abeilles. Ouais. Bah, oui. Alors, à votre avis ? Chercher la drogue. Des truffes. Non, pas la drogue. Oui, les truffes avec une petite laisse. Ah, bah, on n'est pas très loin de la truffe. Qu'est-ce qu'on peut cacher dans le sol et qui peut faire mal ? Des mines. Des grenades. Oui, bah, des mines. Ah, effectivement. Ouais. Oui. Les abeilles déjà sont utilisées beaucoup, si elles chassent pour les repérer les mines antipersonnelles. Elles ont un odorat donc développé capable de détecter l'odeur laissée par l'explosif d'une mine enterrée dans le sol. Et leur dressage donc consiste à mettre de la nourriture près d'un explosif afin qu'elles associent l'odeur à la nourriture. C'est bien pensé. Et on peut ainsi localiser les mines en lâchant les abeilles dressées sur un champ à déminer. Je ne veux rien dire, mais j'ai vu une tartine dans le couloir. Non, mais alors tu fais ça en plein milieu d'un aéroport, tu lâches un essaim d'abeilles. Tout de suite, s'il y a un terroriste avec une valise... Ah, tout de suite, nickel. Voilà. Si on n'a pas, c'est dommage. La brigade, Maya. Moi, je dis toujours, oui, la brigade Maya. Voilà, voilà. Deuxième extrait, Jean-Jacques Dutronc, j'allais dire. Jacques Dutronc. Publicité, la publicité, de quoi s'agit-il ? De publicité, forcément. Maire de Londres. Maire de Londres, non. Ce n'est pas pour les interdictions des publicités sexistes, non, pas du tout. Ça a un lien avec Internet. Le paiement. Il y en a moins ou il y en a plus ? Ah, non. Non, non, non, non. Ah. Elles ont une certaine spécificité. Elles sont plus courtes. Non. Elles engendrent quelque chose. Aussi. C'est très énervant, je crois. C'est très énervant aussi, mais c'est pas sur, sur les films que vous allez voir ou sur YouTube. Non, c'était pas pour cette raison-là. Sur les sites d'infos. Sur les sites d'infos, non. C'est pas les cookies. C'est pas ça. Donc, si vous faites sur Internet en règle générale, vous allez... Les films de cul, par exemple. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces sites-là, par exemple ? On peut agrandir son pénis, en général. Non, non. Alors, donc ça, c'est quoi ? C'est une publicité ciblée. Alors, c'est une publicité. Enfin, pas ciblée, en l'occurrence. Je ne me sens pas concerné, mais... Un aveu à une heure de grande écoute. Voilà. Alors, la moitié des publicités, non pas sur les sites adultes, on va dire ça comme ça, mais sur les sites de streaming gratuit renvoient à des virus. Les publicités qui apparaissent sur les sites de streaming gratuit mènent, lors de leur fermeture, dans la moitié des cas, à des pages web contenant des virus qui installent des logiciels permettant des fraudes. C'est ce qui ressort mercredi d'une étude de l'Université de Louvain, la KUL. Plus de 23 000 pages de streaming gratuit ont été analysées et celles-ci provenaient de 5 600 domaines dont plus de 20% appartiennent aux 100 000 sites les plus visités selon une société spécialisée, Alexa, pour ne pas la citer. Les chercheurs ont donc découvert que les publicités qui recouvraient les images diffusées bien menaient dans la moitié des cas lors de la fermeture à des sites contenant des virus et ceci donc permettent à des fraudeurs de dérober des données confidentielles. Donc faites attention. Oui, vous ne faites plus de streaming, c'est surtout pour ça qu'il raconte. Voilà, mais c'est surtout pour ça, effectivement. Alors, vous savez pourquoi on a inventé la webcam en lien avec Internet et l'ordinateur ? Vous savez comment elle a été inventée ? Oui, Apollo 13. Non. Mais ils auraient dû, parce que c'était triste. Vous savez comment on l'a inventé là ? C'est vraiment un truc qui est arrivé. On s'est dit, pourquoi pas après ? Mais une idée brevetée comme celle-là, c'est phénoménal. Alors, à votre avis ? Je n'en ai pas la moindre idée, c'est moi. Absolument non, pas. Eh bien, c'est à Cambridge. Des chercheurs de l'université de Cambridge, un groupe de chercheurs en informatique, ne disposait que d'une seule cafetière. Je vous promets. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Lassés de trouver la cafetière vide, deux des chercheurs ont eu une idée de génie. Hein, on va dire ça comme ça. Ils ont placé une caméra qui filmait donc, et qui était du coup reliée au réseau afin de vérifier avant de se déplacer s'il restait bien du café pour éviter de faire le déplacement pour rien. Flibustier sort de ce corps. Et donc, c'est la fausse histoire. Ben non, c'est une vraie histoire, je vous promets. Et du coup, c'est comme ça qu'est née la webcam. Ouais, ça tient. Bah, rien, c'est monsieur. Bien. Rien. Dans la suite, on vous attend. CPS au 6031. Nous jouons ensemble au Qui a dit. Vous repartez avec des entrées de cinéma au Grignou. N'hésitez pas à envoyer CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. C'est un grand malade. Alors, qui aurait pu prononcer cette phrase ? Des propositions qui vous seront faites dans la suite. Et dans la suite, on s'intéresse à l'actualité revue et corrigée par Catherine Ronvaux. Un café serré, mais pas au niveau du pantalon. Vous voulez connaître le fin mot de cette histoire ? Eh bien, restez avec nous. C'est tout de suite sur la première. Tous les jours, depuis une dizaine d'années, mon amie Loretta me sert un grand café noir sans sucre. Aujourd'hui, elle m'a bien servi un café noir, mais il était horriblement sucré. C'était écœurant. Alors, naturellement, je viens me plaindre. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Les vacances. vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, oh, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. C'est moi, Hip. Les Diables Rouges ne trembleront pas devant les Irlandais. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Waterloo XXL, l'expo de panorama exceptionnel inspiré de la reconstitution de la bataille de Waterloo. Des panoramas au format et au détail époustouflants. Waterloo XXL, la bataille comme vous ne l'avez jamais vue. À vivre au mémorial de la bataille de Waterloo jusqu'au 25 septembre. Avec le soutien du labo Gigi Micheli, Leonidas et la première. Message à tous les habitants de la région bruxelloise. Tu m'attends là, chérie, j'en ai pour 5 secondes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais juste mettre ce paquet de chips à la poubelle, je reviens tout de suite. Chérie ? Dans chacun de vos gestes pour rendre votre ville plus belle, les 2700 employés de Bruxelles Propreté vous accompagnent. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. Bruxelles Propreté, tous unis pour que Bruxelles soit belle. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. La première, Mobile Info. 16h21, retrouvons Pierre Collard-Bovy. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Walid. Ça va bien ? Ouais, ça va bien. Ah bah écoutez, dites-nous un petit peu ce qui se passe sur Nantes. Il est content, le monsieur. Il est content, il est content. Ah ouais. Cela étant, il y a un chien qui est bien content aussi parce qu'il se balade en liberté sur la 54 Charleroi-Nivelles à hauteur de Petit-Rue en direction de Nivelles. Donc soyez, maintenant il est peut-être plus en direction de Nivelles, d'ailleurs il va peut-être traverser. Hein. Soyez attentifs en tout cas à ce chien sur la 54 Charleroi-Nivelles. Un accident sur le ring de Bruxelles en intérieur à hauteur de Isingen, file en direction de Grand-Billard. Accident encore sur le ring, il y en a 4 comme ça, hein, sur le ring de Bruxelles, toujours en intérieur à hauteur de Halle en direction de Grand-Billard. Un accident sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur de Woluwe et Saint-Étienne, bande droite neutralisée vers Waterloo. Accident sur le ring de Bruxelles en intérieur encore à hauteur de Vilvoorde, la bande droite est neutralisée et il y a des files vers Zaventem. Alors les temps de parcours sont assez impressionnants sur le ring de Bruxelles puisque 57 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Billard au titre, plus 56 minutes pour l'intérieur Grand Billard Zaventem, plus 49 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Billard, plus 36 pour l'intérieur au titre Grand Billard, plus 20 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. C'est un ring rouge, non pas de confusion, mais rouge tout rouge. Un incident, non, un ralentissement sur le 17 de Courtrai, Lille à Réquem. Vous perdez une quinzaine de minutes en direction de la France. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Excellent vendredi à l'écoute de la première, nous sommes presque sérieux comme tous les jours de la semaine, 1h30 à l'assaut de l'actualité, séance de rattrapage, toute l'actualité ou presque revue et corrigée par nos beaux esprits et ça y est, c'est à Catherine de se lancer et de se jeter à l'eau. Hier c'était la moustache de Cabrel pour quelques couplets, aujourd'hui Catherine vous essayez celle de Georges Brassens, une autre moustache pour nous parler d'un café d'un genre un peu particulier. Voilà, et dès que vous, puisque je n'ai pas de guitare, j'ai pris mes siffloteurs, donc dès que vous avez envie de siffler, sifflez, d'accord ? C'est parti. Mais d'abord, il faut reconnaître la chanson, ah, les petits gars. Okay. On m'a dit fait court, mais fait bon. Sur Google, je tombe sur fellation. Certains me voient déjà rascotte. Je suis pas si sotte. Ça se passe pas ici, c'est en Suisse qu'on parle de café et de saucisse. C'est un concept venu de Thaïlande, les champions de la langue. L'idée semble une valeur sûre, elle plaît à Dodo la Saumure. C'est une petite restauration avec prostitution. C'est donc dans la ville de Genève qu'on vous propose ce genre de rêve. Prends un café, tiens sa chevelure, garde tes chaussures. Avant de faire tes 35 heures, joue 5 minutes au rameneur. Le tout pour 55 euros, te voilà frais et dispo. pour affronter sereinement une journée au Parlement. Enfin, je dis au Parlement quand tu y es présent. Bien que depuis l'affaire Baupin, on sait que ces gens servent au turbin, qu'ils mettent les mains là où ils veulent, moi je lui mettrais dans sa gueule. Même si l'étude a démontré que l'homme travaille mieux satisfait, je ne suis pas sûr qu'un café pipe soit très romantique. C'est un concept original qui fera date dans les annales. Faudra choisir dans le menu insérer un moulu. Un café noir, un espresso, brésilien ou cappuccino. Pour les fragiles ou les pervers, le café grand-mère. Ah, c'est vrai que vous n'avez pas vu cette info, on en parlait, enfin je l'ai montré à Raoul. C'est le, le café pipe en Suisse, c'est phénoménal quand même. Ça vient de Thaïlande. Oui, oui, bah, ça vient de Thaïlande, ça vient de Thaïlande. Raoul, géopoliticien. et le café, mon point dans ta gueule. Ah, écoutez, c'est quand on veut, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Si c'est en Suisse, ça ne va pas tarder à passer par le Luxembourg. Ça risque de nous et arriver très en vite. En Belgique. Oui, on ne sait, on sait pas par quelle voie. Tabac. À 16h25, c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant, le top 3 de Raoul Reyers. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Café Raoul, c'est pour moi. Allez. En numéro 3. Il n'y a rien avec. Sucré du lait. Numéro 3, oui. Non, pas de lait. Elle prend 60 kilos en... Non, excusez-moi. C'est déjà bien. Je suis troublé, c'est normal. Il y a trop d'images qui me viennent en tête. Elle l'imagination. Ne va pas arriver au bout de cette émission. Non. Alors Raoul, en numéro 3. Détendez-vous. Elle perd 60 kilos en supprimant un seul ingrédient de son alimentation. Je vous laisse. Le Saint-Doux. Le coca. Le café pipe. Le coca, évidemment. Cette boisson dont on nous rabat les oreilles quand même depuis presque un siècle. Ah oui, quand même. Hein, malgré tout. Elle buvait 4 litres par jour. Oui, il est donc facile de perdre 60 kilos. Elle dormait peu. Et 16 steaks bernaises par jour. Mais je crois qu'au-delà d'une certaine dose de café, ça ne fait plus d'effet. Elle finit par dormir. Non, mais sur son poids, ça a fait de l'effet puisqu'elle pesait 120 kilos. Ouais, et en 9 mois, elle a perdu la moitié de son poids. Elle ne pèse plus que 60 kilos. Ah bah dis donc. Elle est même pas mal, je trouve. Ah ouais. J'irais bien boire un café avec elle. C'est ça. Bravo, je suivrai bien son conseil. J'avais commencé par arrêter l'eau. Ah ben, écoutez, commencez. En numéro 2. On continue. Révolutionnaire, l'assiette qui aide à maigrir. Ah oui. C'est génial, c'est vraiment génial. Une assiette qui mange à votre place. Ça vient de Thaïlande. En plus, c'est quoi l'image? C'est quoi? C'est spécial régime, c'est une idée géniale. Et c'est une assiette avec plein de petits trous. Oui. 50 petits trous qui absorbent la graisse de vos animaux. Ah ouais. Ouais, bah ah non, non, la non. Nappe doit être belle, elle doit être belle la nappe après. Mais non. Quoi? Parce qu'il y a quand même un fond à l'assiette. Ah oui, ils y ont pensé, ok. Ils y ont pensé et donc elle peut absorber 7 millilitres de graisse, ça fait 30 calories, c'est pas mal. Si on ne mange plus jamais de petits pois. Si on mange 3 repas par jour, c'est un peu l'équivalent, comme si on fait après un mois, c'est comme si on avait fait du sport. le fainéant de service. Moi, je suis déjà arrêté l'eau, je vous signale. Ah oui, c'est déjà pas mal, c'est pas mal. Allez, en numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire. Grâce au site des Républicains, vous pouvez offrir à vos amis des discours de Nicolas Sarkozy. Allez. Et ça, c'est chouette. Cool. Le site des Républicains vend les discours du petit dictateur, 7 euros, et vous pouvez donc offrir un beau cadeau à vos proches. Joyeux anniversaire, chouchou. Cadeau. C'est quoi? Bah ouf. Sinon, vous invitez Walid. Hein. Ouais. C'est le discours de Nicolas Sarkozy lors de son investiture comme président des Républicains. Oh, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Tu vois que je peux encore te surprendre. Oh. C'est-à-dire que si après ça, elle part pas, je comprends pas. Ouais. Donc, ça, c'est du cadeau. Combien? 7 euros. 7 euros, c'est pas cher. Bah, je sais ce que je vais vous offrir pour votre anniversaire. Il y a 8 discours. En échange de ce petit café. Ah, oui, voilà. Un sketch brillantissime. Ouais. On est quand même encerclé de malades mentaux. Ah, hein. Ça, c'est clair. Hein. Tout se revend aujourd'hui. Tout se revend. Ah, 16h28. Le discours d'Alain de Stex. Hey, comment? On va marquer une pause et revenir. On s'informe à 16h30 et puis nous jouerons ensemble au Qui a dit du jour CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes. On vous offre des entrées de cinéma. 4 entrées au cinéma estampillé Les Grignoux. Pour le Qui a dit du jour, je vous le rappelle, c'est un grand malade. Des propositions qu'on vous fait tout de suite. Restez avec nous. La première présente La Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Dito Vos. Oui, Lemens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe, toi, à l'Euro? Mais pour le Brésil, hein. Quoi? Le Brésil participe à l'Euro? Oui, oui, oui. À chaque match, j'en ai frit, fieu. La sauce Brésil, bien de chez nous. La voilà. De Vos, Lemens. À table. Vendre en viager, ben, c'est bien moins compliqué qu'on ne le croit. Le spécialiste de Trévis Viager m'a tout expliqué. Et aujourd'hui, ma maison est vendue. En plus, le paiement de ma rente est garanti par une assurance. Je peux pleinement profiter de la vie. Et sans souci d'argent. Trévis Viager, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. Alors, comment va notre nouvelle affiliée Groupe S? Oh, je suis accro, je connais tous leurs services. Tous? Tous? Vas-y, teste-moi. Ok, l'outil pour entrer les prestations, calculer les salaires. PrestaWeb. PrestaWeb? Ouais, c'est nouveau. Et ça marche avec ton PC, ton smartphone, ta tablette. Et il y a aussi LiveRequest, Woozoo, Organigram. Wow. Et des nouveaux services comme GS Subsides et les benchmarks salariaux. Eh, je t'épate, hein? Ah bah non, c'est Groupe S qui m'épate. Groupe S est le secrétariat social qui vous écoute, vous conseille et propose des solutions RH pour votre statut d'indépendant et votre entreprise. Groupe S, vous pouvez compter sur nous. Ce sont les 50 jours de folie chez Auto 5, avec jusqu'au 7 juillet... Waouh, un bon d'achat de 60 euros à l'achat de 4 pneus Michelin. Depuis 50 ans... Qui dit Auto, dit Auto 5. Phare anti-brouillard avant? Oui. Système téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync? Oui. Climatisation? Oui. Que demander de plus? Le prix? Ford Fiesta Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Comment bien manger quand... On veut savourer du poisson de saison. On fonce chez Deleuze. La saison des matchs a justement commencé. Ces délicieux poissons pêchés en Norvège, riches en oméga 3 et en protéines, sont en promo jusqu'au mercredi 22 juin. 3 plus 1 gratuit. Bon appétit. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. La première. 16h31. On s'informe avec vous, Marie Van Kutsem. Bonjour. Bonjour à tous. Un hommage vibrant, plus de tolérance, un appel à l'Union nationale. David Cameron s'est exprimé lors de l'hommage rendu à Jo Cox à Bristol, au nord de l'Angleterre. C'est devant la bibliothèque de cette petite ville que la députée de 41 ans a été abattue hier de plusieurs balles. Elle était travailliste, pro-européenne. Certains médias britanniques affirment que son agresseur a crié « Britain first » en tirant « La Grande-Bretagne d'abord ». C'est aussi le nom d'un parti politique d'extrême droite violent et militaristes. Ces événements se sont déroulés à une semaine du référendum autour du maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Quelles conséquences cet assassinat pourrait-il avoir sur le résultat du référendum? Nous tenterons de répondre à cette question dans Soir Première à 17h45. Olivier Nederland recevra Tom Parker, vice-président de la Chambre de commerce britannique. Dans l'actualité ce vendredi, il y a aussi la grève des bagagistes de Swissport à l'aéroport de Bruxelles National. Grève spontanée, entamée ce matin. Conséquence, 45 minutes de retard sur la moitié des vols et des bagages immobilisés. Ils ne partent plus dans les soutes et ils ne reviennent plus non plus entre les mains des voyageurs qui quittent l'aéroport. Du sport, et d'abord ce match en cours à l'Euro de football, Suède-Italie, c'est dans le groupe E, le groupe de la Belgique. C'est toujours 0 partout pour l'instant. Et enfin de l'athlétisme aussi et du dopage. Les athlètes russes pourront-ils participer aux Jeux Olympiques au Brésil cet été? Il y avait de nombreux cas de dopage parmi eux. Pour la Fédération internationale d'athlétisme, c'est non, ça vient d'être voté. Le Comité international olympique doit encore se prononcer mardi. Voilà pour l'info, Walid. Merci Marie, retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et jouons avec l'actualité du jour. Allons du côté de Braine-le-Château. Retrouvons Anne. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Vous êtes Bonjour Anne. Vous êtes instructeur Anne. Sportif, c'est bien ça? Pardon? Vous êtes instructeur sportif? Oui, c'est ça, pardon. Oui, tout à fait. D'accord. Ben, on va vous envoyer quelqu'un, tiens, ici. Sûrement pas moi. Raoul Reyer, ça vous plairait de le coacher un petit peu ou pas? Oh, bien sûr. Ouais. Oh, avec un enthousiasme. Alors, il y a du boulot, hein. Ouais, dites-moi un petit peu, vous nous promettez de lui faire perdre combien en 6 mois? Allez, en 6 mois. 200 euros. Ouh là là. Et combien à perdre d'abord? Je sais pas, je dirais 2. on y arrivera, Raoul. Alors, ma chère Anne, vous venez de Braine-le-Château, commune que je connais très bien, traversée par le 1. Oui. Oui. Mais oui, quelle connaissance. Ben écoutez, je connais toutes les je connais tous les cours d'eau de Belgique. Ah, je crois que c'est une ligne de bus, moi. Non, le 1. Le train, pont, la Masblette. Le train, près de chez moi. La Trouille. La Trouille aussi. Il y en a un paquet. Le Linglinspo. Et nous allons jouer. Ah, ouais. Et nous allons jouer maintenant, ma chère Anne, avec vous et vous offrir des places de cinéma avec le qui a dit du jour, une phrase extraite d'un quotidien, des propositions que nos chroniqueurs vont vous faire. Qui aurait pu dire « C'est un grand malade ». Raoul Reyes. Eh bien, c'est Steven Van de Put à propos de Fernand Hutz. Vous connaissez tous ces gens quand même. Hein, ouais, bien sûr. Fernand Hutz, c'est le patron de Cato Nassi, hein, qui organise des fêtes à 3 millions d'euros où pendant 3 jours, les politiques flamands de droite viennent baffrer au frais de la princesse qui pourrait être la femme de Fernand. Mm-hmm. Hein, Steven Van de Put. La princesse. Vous n'avez pas vu ce reportage sur les fêtes qu'organise ce monsieur? Non. Sa femme avait un tailleur rose qui lui essayait. Pas bien. Ben, on redit un chewing-gum, c'est ça? Ou un cochon. On va poser. Donc voilà, quand on l'a pas vu, c'est moins drôle. Ouais, c'est ça. Steven Van de Put pour Raoul Reyes. Voilà, c'est ça. On va poser la même question à Edgar Schott. C'est un grand malade. Vous connaissez tous Alain Delon et vous savez qu'il aime parler de lui à la troisième personne. Tout est dit. Alain Delon, c'est un grand malade à propos de lui-même. Fred Dubus. Ah, c'est un grand malade. Alors, il s'agit, puisqu'on est dans les célébrités, il s'agit de Christophe Lacroix. Tout le monde connaît Christophe Lacroix. Bien sûr. Le célébrissime ministre du Wallon du budget. En parlant de Bardewever qui encourage les Wallons à voter à droite. Voilà, il a eu cette grande phrase historique, enfin une dans sa vie. Ah bah voilà, Lacroix. Christophe Lacroix, retenez pour Fred Dubus. Il sera un jour ministre peut-être. Gilles Dalle, c'est un grand malade. Mais c'est le Dalai Lama qui a dit ça à propos du pape. Et il a poursuivi en disant « D'ailleurs, mon courant de pensée est bien mieux que le sien et en plus je le bats à la crapette rapide quand je veux. » Voilà, on ne sait pas, mais ce dernier temps, le Dalai semble accuser un léger coup de fatigue. L'âge. Plus moi, j'ai jamais compris la différence entre crapette rapide et crapette vitesse. C'est un autre débat. T'imaginais ça le week-end dans les décodeurs. Alors aujourd'hui, nous débattons de la crapette. Raoul. Ouais, ouais. Et si Anne ne sait pas, je viens de recevoir la bonne réponse d'une personnalité politique bien en vue. Ah bon, qui ça? Bah, ah oui, toujours la même. Zakia, hein. Zakia qu'on embrasse. On embrasse Zakia. Zakia, on va poser la même question, cette fois-ci à Catherine Ronvaux. C'est un grand malade. Oui, c'est Corinne Boulanger, que vous connaissez certainement au sujet de Walid, qui prétend remplir le Cirque Royal en novembre prochain. Si je suis encore là. Si elle est encore là. Si on me laisse faire. Si on me laisse faire. Corinne Boulanger, le Dalai Lama, Christophe Lacroix, Alain Delon, ou Steven Van de Put. Il y a une gradation, mais je ne sais pas dans quel sens. Alors, ma chère Anne, procédons par élimination. Procédons par élimination. Oui, parce que je ne connais pas la réponse. Alors, j'éliminerai Corinne Boulanger. D'accord. Enfin. Parce que moi, Walid nous empêche de faire des blagues à ce sujet. On l'embrasse au passage, ma Corinne. Voilà. Alors, le Dalai Lama, il me semble qu'il ne dirait pas ça. Oh, vous savez... Il est fatigué, ces temps-ci. Ah, mais on peut l'éliminer. Il le dit en tibétain, hein, donc ça passe mieux. On l'élimine, ok. Oui. Alors, j'éliminerai quand même aussi Alain Delon. Éliminons. Alain Delon, dire ça d'Alain Delon. Mais ce serait drôle. Ce serait effectivement. Rigolo, oui. Je trouvais que c'était très drôle. Alain Delon, c'est un grand malade. C'est Alain Delon lui-même qui dit ça d'Alain Delon. Ouais, il nous reste Steven Van de Put et Christophe alors. Lacroix. Et là. Faites la croix au bon endroit. Alors, un indice. Oh, c'est beau. Un indice. Jésus. Alors, je pense que ce n'est pas Steven Van de Put, mais que ça serait peut-être bien Christophe Lacroix. Oh, oh, oh. Et c'est gagné, effectivement, c'est Christophe Lacroix. Bravo, effectivement, Christophe Lacroix, le ministre wallon du budget, qui estime bien justement que les rapports avec le fédéral s'améliorent, mais regrette un vrai problème Van Overveld et surtout Bardewever. Lors d'un entretien que vous pouvez retrouver chez nos amis de la Libre Belgique, bien, il a déclaré qu'il pense que M. De Wever est un grand malade et qu'il a une véritable haine des francophones qui frise le délire en insultant la partie francophone du pays. Bien, c'est plus que du mépris, c'est une forme d'hystérie, déclare-t-il. Donc voilà, ma chère Anne, c'est gagné. On vous envoie très rapidement 204 ont très ciné estampillé les Grignoux. Et Raoul. Et Raoul. Voilà. C'est Raoul Barbie lui-même. Poste. Non, on va pas l'envoyer Barbie Poste. On va envoyer Raoul à pied jusqu'à Braine-le-Château. Voilà. Ouais, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Non, c'est pas si loin. Alors, vous allez voir, on dirait ça. Pour tous vous voir. Eh bien, nous, on viendra en voiture. Ce sera plus simple. On vous embrasse, Anne. Restez-nous fidèles, restez presque sérieuses. Excusez-moi. Dites-moi. Est-ce qu'on peut vous rencontrer vraiment et assister à vos enregistrements? C'est une émission, elle est formidable, là. Elle est bienveillante, elle est heureuse, elle est magnifique. Vous toute seule. Alors on va croire que je paye des auditeurs. Et ça me touche vraiment, Anne, sincèrement. Vous savez qu'en plus de ça, aujourd'hui, j'étais pas bien. Et à un moment donné, avant de tourner l'émission, j'étais pas trac, comme on dit. Oh. Et vous me remettez du baume au cœur. Et j'ai envie de vous dire oui, Anne, avant la fin de la saison, on viendra assister à une émission. Je peux venir jouer mon spectacle dans votre salon. Oui, alors, c'est ce qu'on fera bientôt. On va offrir le spectacle d'Edgar Schotz dans un des salons de nos auditeurs. Faut un grand salon, hein, je vous dis tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Mais Anne, on va garder vos coordonnées et vous inviter et vous repartir avec une clé USB quand on viendra ici. Comme ça, c'est magnifique. Voilà, restez-nous fidèles, Anne, à très vite. Et moi j'ai déjà perdu un kilo. Allez, dans la suite, on jouera également avec l'un ou l'une d'entre vous. Faites comme Anne du côté de Braine-le-Château et inscrivez-vous en envoyant CPS au 6031. On jouera avec un mot, le presque jeu d'édico. Vous repartirez avec un livre pour tester votre QI et stimuler votre intelligence, proposé par Larousse, ainsi qu'un pack aux couleurs de la première. À l'intérieur de ce pack, qu'est-ce qu'il y a? Un cadeau. Une clé USB. Vous envoyez CPS au 6031, 75 centimes de message. Nom, prénom et adresse, un mot en lien avec l'actualité du jour. Ce sera dans quelques minutes le temps pour nous de commenter le foot aujourd'hui avec Fred Dubus. Radio Bière Foot, la radio de la bière du foot. Foot, toujours foot. Mais oui, comme je n'ai pas pu vous parler de football la semaine passée. C'est vrai. Hein, parce qu'on a été interrompu par les gens qui filmaient verticalement, vous rappelez. Ouais. Je me suis dit que j'allais me rattraper cette semaine et donc vous parler enfin vraiment de football. Wilmots l'a dit aujourd'hui, hein, il faut gagner. Les deux prochains matchs, ce sont comme des finales. Ouais. Voilà. Alors franchement, je ne vois pas de quoi on se plaint. On va quand même être les seuls à jouer deux finales de suite. On n'aurait pas espéré aller aussi loin. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de foot. Parce que soit on est passionné et on tombe directement dans le Stephen Powells, hein, ouais. Et ça se termine en commentaire crypto-homophobe, mais plein de vraies fautes de français. Ouais. Hein. Oui, on a joué comme des nanas, c'était un lapsus en fait, il voulait dire on a joué comme des tatas. Ouais, voilà. Comme ça c'est clair. Alors soit on s'y connaît, soit on n'y connaît rien, et alors ça vire à l'antélo anti-foot primaire. Ouais. Vous connaissez celui-là, hein. Ouais. Oui, le football, c'est l'asservissement des foules au service des gouvernements totalitaires et des multinationales qui ont du sang sur les mains. C'est ce que je dénonce dans mon dernier essai paru aux éditions Panem et Kirkenses, intitulé « Désordre mondial » ou « Comment repenser une nouvelle répartition des lignes de force de mon cul ». Oui, ça va. Le fameux du pain des jeux. Oui, c'est ça. Ouais. Ne riez pas, c'est des trucs que j'ai entendus ici même sur la première. Ouais. Je ne donne pas de nom parce que de toute façon, je l'ai oublié. Donc, naviguer entre les deux, ce n'est pas évident. Bref, vous l'aurez compris, moi, comme 90% des gens, je suis un supporter occasionnel. Oui. Mais je pense quand même que tu auras beau faire tout ce que tu veux, mais en termes de suspense et d'excitation, rien ne remplacera jamais un Belgique-Irlande qu'il faut absolument gagner. Oui. Je suis désolé. Voilà, je me suis même surpris l'autre jour à rester 10 minutes devant un match Turquie-Croatie. Pas pour le suspense, non, mais juste pour mater les coupes de cheveux. Ouais. Il faut quand même reconnaître que un Euro 2016, ça ressemble quand même beaucoup moins à une compétition de foot qu'à un mondial de la coiffure. Ouais. Je sais pas, c'est fascinant. Il y a quelques années, c'était la mode lévrier polonais. Hein, pétard sur le dessus et un peu plus long dans la nuque, vous voyez. Hein, cette année, on se dirigerait plutôt vers la coupe toutouf. Hein, les tempes et la nuque rasée et la toutouf sur le sommet du crâne. Ouais, la je sais pas si vous avez vu ça, c'est des trucs. Hein, et du gel, beaucoup de gel. Mais pas celui que tu achètes chez D. Hein, non. Apparemment, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Ça doit être une résine époxy. Mais les tempes dégagées, c'est bien. Ça ouvre plein de perspectives. Ça devrait donner d'ailleurs des idées aux sponsors. Je suis sûr qu'à la prochaine Coupe du Monde, on verra des gars qui se seront fait tatouer Nike ou Adidas sur le crâne. C'est pas faux. Le tatouage, grosse tendance aussi. Ça. Et c'est là qu'on voit qu'au-delà des conflits idéologiques ou économiques, l'Europe peut s'unir et adopter des positions communes. Le mauvais goût va sauver l'Europe. Hein, tu oublies le Brexit, l'euro, la crise des réfugiés, tous unis derrière le tatouage et la coupe toutouf. À mon avis, David Jean Mode, quand il a créé son université du relooking, il a eu du flair. Ouais. Oui. L'université boule, David Jean Mode, dit non, le doom. Corentin Candy, reviens. Ah, enfoncé là. Hein. Alors, ah oui, on l'entend plus là. Il a dû faire un AVC. Mais quelle idée de génie! C'est comme si Stefan Spowels créait une académie de littérature ou Kroll une école de peinture. Et pourquoi pas le conservatoire de musique Roberto Bella Rosa, la haute école de plancha Raoul Reyers. Ah, bonne idée. Ou l'Institut des hautes études mathématiques Jacqueline Gallon, une école d'esthétique Joël Miquet. J'en ai encore plein, comme ça je peux vous en faire. Faites-le chez vous, c'est la faculté de marxisme Fred Dubus. Voilà, par exemple. Là, je m'y connais. En bon, alors, à tous ces enfants qui passent en ce moment leur CEB ou qui rêvent de devenir joueur de foot ou instituteur, ne vous inquiétez pas les enfants. Si vous ratez, il y a plein d'écoles d'université qui vont vous ouvrir les bras. Voilà, c'est tout. Tiens, c'est pas mal, mais vu le foot par Fred Dubus, ça donne envie d'être présent pour cette presque finale. Ah, tous comme chez moi demain. Umats, hein, Belgique-Irlande. Ah, ça va faire de belles audiences hein, pour la RTBF, ça encore. C'est peut-être les dernières. Parce qu'après... Bon, à 16h44, on revient dans un instant avec... Où est-ce qu'on en est de Suède-Italie? Toujours 0-0 pour le moment. D'après, je consulte en direct, comme ça je vous dis tout. Je vous mens pas. Normalement, je reçois un mail. Vous savez que grâce à... Alors attention, point sur l'Italie, 16h30, bah, c'est toujours 0-0. Voilà. Et c'est bon ça ou pas? Bah, ça sent mauvais, hein. Bah, c'est-à-dire que l'Italie reste toujours première, oui, la Suède est bon. Deuxième, et donc du coup il faudrait vraiment qu'on batte l'Irlande et que l'Irlande se fasse battre par la Suède, par l'Italie. Et la coupe toutouf. Je ne sais pas, mais en tout cas ça commence à devenir trop compliqué. Vous savez, j'ai commencé à faire des calculs pour savoir qui est premier, deuxième ou troisième. Ah là là là là, tout ce qu'il faut c'est du beau match, et du beau match, il y en aura dans la suite de C'est Presque Sérieux. On s'intéressera à l'actualité avec un mot justement qui fait référence à cette actualité, des définitions pour vous qui vous seront proposées. Et à la clé pour vous, un livre pour tester votre QI et stimuler votre intelligence proposé par Larousse et un pack aux couleurs de la première. C'est le moment ou jamais de vous inscrire en envoyant CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse et une presque star également dans la suite, restez avec nous. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. La première présente « Enlèverons-nous » avec Jacques Franck. Assistez à cet entretien public avec l'ancien rédacteur en chef de La Libre, homme de culture. Il évoquera les changements de société, la danse, la musique, la mort, la vie. Au Centre culturel d'Uccle, le 18 juin. Réservation 02 374 64 84 avec La Libre. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Les noix de coco qui tombent? Aïe! Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Rendez-vous vite dans un magasin Xina et recevez un plan de travail en granit au prix d'un stratifié. Conditions sur... Xina.be, c'est bien pensé. La première et la deux présentent les 15 ans du Festival Esperanza avec Patti Smith, Manu Chao, Emir Kusturica, Anouska Shankar, Saint-Germain, Lee Scratch Perry, Calypso Rose et Alani Esperanza du 5 au 7 août à l'Abbaye de Floreffe. Infos et réservations esperanza.be avec le CNCD 11-11-11 et TV5 Monde. La première présente l'exposition Michel Jamsin, Frères humains, à Mons. Découvrez le parcours de ce peintre figuratif de la région montoise. Personnages monumentaux ou en couleur, photoromans ou encore peinture cellulosique. Aux anciens abattoirs jusqu'au 28 août. Info abattoir.mons.be. Une organisation de la ville de Mons avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La première, Mobile Info. 16h47, retrouvons Pierre Collard-Bovy. Pierre, que se passe-t-il sur nos routes? Des nouvelles de ce chien? Il nous embrasse. Pierre? Combien pour ce chien? Il a couru derrière. À mon avis, il est derrière le chien. Pierre, revenez, c'est pas sérieux. Pierre, vous êtes avec nous? Ce chien, le chien, on s'en fiche, revenez Pierre, on tient à vous. À mon avis, il est sur Suède-Italie, je crois. Non, bah, les tueurs. Vous êtes en train de regarder le match, il est en train de changer de poste. Non, il est en train d'essayer de faire le point sur les accidents du ring. Il a un écran devant lui avec toutes les autoroutes et en fait, il change à chaque fois pour voir le foot. Pierre, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, un véhicule est en panne sur la 411 Bruxelles-Namur, hauteur d'Auderghem, c'est la bande droite qui est neutralisée en direction de Namur. Alors, toujours en cours apparemment, mais le moteur de rebâtissement s'est parti voir si tous les accidents sont encore en cours, notamment sur le ring intérieur à hauteur d'Eisingen en direction de Grand Bigard. Sur le ring intérieur toujours, mais dans la file de l'accident d'Eisingen, c'est à hauteur de Halle vers Grand Bigard. Et puis, circulation intérieure à hauteur de Woluwe et Saint-Etienne aussi vers Waterloo dans ce cas-ci. Et un quatrième accident sur le ring de Bruxelles, à hauteur de Vilvoorde en direction de Zaventem en circulation intérieure. Alors, les temps de parcours, eh bien, toujours assez énorme, 47 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre. Mais là, ce sont les travaux d'Anderlecht dans le virage de Forêt qui vous ralentissent très fort. Intérieur Grand Bigard, Zaventem, 43 3 minutes supplémentaires. Extérieurs à 21 Grand Billard, plus 39, plus 29 pour l'intérieur au titre Grand Billard, plus 28 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Et toujours ces quelques ralentissements, on est toujours un gros quart d'heure dans les travaux sur le 17 contre Lille, à hauteur de Requiem en direction de la France. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Nous sommes presque sérieux, on s'informe à 17h. Une presque star dans un instant et le mot du jour, c'est l'anticraise. L'anticraise, eh bien c'est à Christine que nous accueillons sans plus attendre, à Christine de déterminer qui parmi vous, chers amis, a la bonne définition. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Christine, vous venez d'Audergem? Oui. Ah, Audergem, l'Adeps, la forêt de soigne, Audergem. Commune. Exactement. Sympathique dans la capitale. Didier Gosse, Bruxelles. Ma chère Christine, le Wallaby vous êtes, Shopping Center aussi. vous êtes mère au foyer, c'est bien ça, Christine? Pour l'instant, oui. D'accord. Et vous cherchez un boulot? Non, pas pour l'instant. D'accord. On vous envoie, un livre pour tester votre QI ainsi qu'un pack aux couleurs de la première. Avec ce mot, l'anticraise, et des définitions que nous vous proposons sans plus attendre. Raoul Reyers, l'anticraise. L'anticraise est une assurance spéciale qui couvre financièrement les pertes de pouvoir d'achat en période de crise. Comme seuls les gens bien nantis peuvent se l'offrir, cette assurance est mieux connue et appréciée dans le sud de Bruxelles. On entend couramment un huc. Un jeune dit. Tu as aussi pris ton assurance anti-crise, toi. Parce que quand tu vois le prix du caviar chez Robdi, c'est à te dégoûter de boire du Pimm's. Hein. Donc c'est une assurance. Hein. C'est une... Mais il paraît que le mot d'origine, c'était anti-crise. Oui. Mais c'est tellement bien prononcé. Mais c'est pas ça, c'est Eddie Kakelbert. C'est Eddie Kakelbert qui a fait une émission là-dessus, et il a dit anti-craise. Ok. Et donc c'est comme ça que c'est rentré dans le dictionnaire. On va demander à Edgar Schott, anti-craise. Absolument pas. Hein. L'anticraise, une anticraise d'ailleurs, c'est la cession d'un immeuble de la part d'un débiteur vers son créancier, quand le débiteur est incapable de payer ce qu'il doit à son créancier, et comme ça, les revenus de l'immeuble remboursent la dette. C'est tellement chiant que ça pourrait être ça. Hein, je dirais, hein. L'anticraise pour vous, justement, Fred Dubus. Ben non, c'est l'antonyme. C'est un antonyme anticraise, c'est l'antonyme d'antécrise. Ah oui. Vous comprenez? L'antécrise, c'est quand tout va bien, c'est avant que tout aille mal. L'anticraise, c'est quand tout va vraiment pas très très bien du tout. Vous comprenez? Oui, comme maintenant. Voilà, quoi. Les diables rouges sont un petit peu dans l'anticraise, et moi aussi. Dans l'anticraise. Dans la mouise, quoi. Hein, voilà. C'est comme ça, oui. Catherine Ronvaux. C'est un joli mot pour dire vous êtes dans la merde. Voilà. Alors, Catherine Ronvaux, l'anticraise. L'anticraise, c'est un typex à geste mal placé ou incongru du footballeur. Par exemple, du genre quand ils envoient des bisous, quand ils font des cœurs avec leurs pouces et leurs index. Quand on met du typex dessus, ça s'appelle un anticraise. All right. Genre de typex, donc. Hein. Et enfin, Gilles Dalle. C'est un terme footballistique, hein, anticraise. C'est le fait de critiquer vertement Marc Wilmots après une défaite des Diables Rouges, puis à le qualifier de génie tactique après une victoire des Diables Rouges. Critiquer, donc, Marc Wilmots. Alors, ma chère Christine, et personne n'a fait de truc sur Antichrist? Non, on n'a pas. Bah, si. Ouais, mais moi, personne. Antichrist. Si, moi, non, vous n'avez pas fait Antichrist. Oui, mais je me suis dit que tout le monde le ferait. Ah, personne ne l'a fait, en fait. Ma chère Christine, je vous rappelle les propositions. Alors, il est question d'assurance, une histoire de mouise, de typex, de critique envers un entraîneur ou de cession d'immeuble, à votre avis? J'aime bien le truc de typex, mais je vais prendre la deuxième, là, celle qui était le plus chiant, c'est-à-dire la cession d'un immeuble. Eh ben oui, c'est Edgar Schott. La cession, oui, c'est ça. On fait comme un prince. D'un immeuble, d'un débiteur à son créancier, afin que les revenus de cet immeuble remboursent la dette. Alors, à votre avis, pour quelle raison on parle d'anticraise aujourd'hui? Vous pouvez nous rappeler ce que c'est, parce qu'on n'a pas. Alors, pas c'est bien une compris. Cession d'un immeuble, d'un débiteur à son créancier. En gros, c'est ce qu'on fait quand débiteur, on va acheter une maison, quoi. Genre, vous n'arrivez plus à payer votre emprunt et hop, la banque vous saisit la banque. Voilà. Il y en a de plus en plus. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi on en parle? Il y en a de plus en plus. Ah bah non, simplement parce que l'accès au crédit sera encore plus difficile pour les particuliers dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Eh ouais, la Banque Nationale présentait hier ses recommandations au secteur bancaire. Une de ses préoccupations, bien, c'est effectivement le crédit à risque. Crédit à risque, par exemple, quand le montant du remboursement dépasse 30% des revenus de l'emprunteur ou quand la banque prête plus de 80% de la valeur du bien. Et donc la Banque Nationale ne veut pas interdire aux institutions bancaires d'encore octroyer ce type de crédit, mais elle veut quand même les obliger à prendre des garanties supplémentaires. Les banques pourraient donc ainsi être contraintes de mettre davantage de capital en réserve si elles veulent continuer à proposer de tels prêts, genre, ok, mais vous mettez en garantie un rein. Voilà. Et quand c'est nous qui prêtons aux banques. J'en ai deux. Ah, donc voilà. En faillite. Voilà, ça se passe comment? Ben, ça se passe comme ça s'est passé déjà il y a très peu de temps, voilà. Vous savez. Hein, on finit par passer l'éponge. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Merci d'avoir posé la question. Petit cours d'économie. Christine, c'est donc gagné. On vous envoie très rapidement tous ces cadeaux. Restez-nous fidèles, restez presque sérieuses. On vous envoie donc un livre pour tester votre QI et stimuler votre intelligence proposé par Larousse et un pack aux couleurs de la première. Restez-nous fidèles. Merci beaucoup. À bientôt. Et dans la suite, une presque star. Et notre presque star s'appelle Julien. Il est avec nous. C'est parti. C'est presque sérieux sur la première. Julien, bonjour. 1-0. 1-0. Bonjour. C'est 1-0 ? Pour qui ? Je ne sais pas. C'est vraiment 1-0 pour l'Italie ? 1-0 pour l'Italie. Ça, c'est bien. Bonjour, Julien. C'est bon. Je ne suis pas certain que ce soit. Ah, si, c'est bon. Ah, si, c'est bon. C'est bon pour nous. Ah, oui, si, c'est bon pour nous. Bravo l'Italie. Forza Italia. Julien, nous nous intéressons à vous. Pour quelle raison vous faites parler de vous dans la presse? Eh bien, on va le découvrir en 2 minutes. Vous me posez les questions que vous souhaitez, chers amis. Je ne réponds à vos questions que par oui ou par non. Vous êtes donc, Julien, notre presque star du jour. Il vient de marquer un but contre la Suède. Ah, non, c'est pas Julien. Vous imaginez? Alors on s'en fout. Il fait du sport quand même. Il fait du sport, un jeu, oui, sur France 3. C'est un sport. Julien, il fait un jeu sur France 3. Avec, avec un ballon, avec une boule, une bille, une balle? Non. Mais on n'est pas très loin. Avec des roulettes? Non. Artiste conceptuel. C'est conceptuel, oui. Enfin, c'est pas conceptuel. Il y a un indice. Écoutez l'indice. On n'utilise pas son pour frapper ses petits camarades. Un stick. Un stick. Ok. Non. Il crée des fish stick bio. Alors, je vous donne un deuxième indice. C'est parti, écoutez le second indice. Attention, le n'est en aucun cas un bouclier. Alors, c'est canadien. Un bouclier. Alors, c'est du hacky. Alors, qu'est-ce qui peut ressembler à un bouclier? Un bouclier? Qu'est-ce qui peut ressembler à... Je vous donnais un Captain America. Mais un frisbee. Oui. Pédale dans la semoule. Un quoi? Un frisbee. Un frisbee, ouais, un frisbee. Alors, allez, un frisbee. Oui. Il est champion du monde de frisbee. Ah, pas très loin. Il est champion d'Europe. Pas très loin. De Belgique. Non. De Wallonie. Il fait partie de quelque chose. D'une équipe. D'une équipe nationale. Ouais, l'équipe nationale de Master Ultimate Frisbee, les amis. Ah, je le savais. On le savait. Et alors, pourquoi on l'a avec nous? C'est gagné. Bravo à vous, Catherine. C'est gagné puisque demain, Julien, vous partez avec toute l'équipe pour la Coupe du Monde qui se tient à Londres. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une Coupe du Monde de frisbee, moi. Mais peu de gens le savent, effectivement, mais il y a une Coupe du Monde, il y a une Coupe d'Europe, il y a une Fédération Mondiale, il y a un championnat de Belgique, et c'est même un sport reconnu par le Comité Olympique depuis l'année passée. C'est vrai, et pas encore au JO? Pas encore, mais l'objectif de notre Fédération Mondiale est de faire accepter l'Ultimate comme un sport invité pour les JO de 2024. Et donc, vous faites partie de cette équipe, 3 Nivellois qui font partie de la sélection nationale Masters. Oui. Alors, dites-moi un petit peu en quoi ça consiste? C'est quoi les règles du jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette compétition? Si vous voulez, c'est un peu dérivé, ça ressemble un peu au rugby, au football américain, dans le sens où il faut amener, pour marquer un point, il faut amener le frisbee de l'autre côté du terrain, de la zone d'en but de l'équipe adverse. Ah, okay. La seule différence majeure, c'est qu'on ne peut pas courir quand on a le frisbee. Une fois qu'on a reçu une passe, on doit s'arrêter et faire la passe au jour suivant. D'accord, et on ne peut pas vous l'arracher des mains. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de contact. Non, mais tu peux frapper dans la gueule pour qu'il le lâche. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Et, ça se joue à combien? Donc ça se joue à 7 joueurs contre 7 joueurs sur un terrain qui est long comme un terrain de football, mais un peu plus étroit. Mais donc, il y a de l'espace. Ah bah voilà. Ouais, bah vous étiez notre presque star du jour aujourd'hui, mon cher Julien. On vous souhaite beaucoup de courage. Revenez avec une coupe. On va essayer, on va faire tout ce qu'on peut, hein, pour être champion du monde. Hein. Une discipline d'ailleurs qui est née aux États-Unis dans les années 60, qui est donc désormais ses adeptes dans nos contrées. Vous étiez notre presque star du jour et on salue, tiens, le club, les Red Nuts. De Nivelle, oui. Ouais. Et toute l'équipe nationale, évidemment. Voilà. Les équipes nationales. Et il faut promouvoir le flying disc. Moi, j'adore le flying disc. Bon, on reste presque sérieux. Merci, Julien. Bon courage et tenez-nous au courant, hein, justement, de vos aventures, d'accord? Et il est déjà parti. Il est déjà parti à Londres. Allez, à tout de suite. Le Festival Musique 3 2016 présente Yokai. Suivez le jeune Shigu dans l'univers drôle et mystérieux des esprits japonais. Yokai, un spectacle de Patrick Leterme à savourer en famille à partir de 7 ans. Rendez-vous les 2 et 3 juillet à 11h à Flagey. Infos et réservations, musique3.be. Avec la première. Une banque qui connaît la musique, ça manquait au Festival Musique 3. KBC Brussels. Waterloo 1815. Les troupes britanniques affrontent Napoléon sur la Morne Plaine. Les soldats trouvent leur courage dans un breuvage d'exception, la bière de Waterloo. La Waterloo puise ses racines dans notre terroir, brassée sur le champ de bataille, à la ferme de Mont-Saint-Jean, qui abrita jadis l'hôpital des Anglais. Rafraîchissante et équilibrée, la Waterloo résonne comme un vibrant hommage aux héros de notre histoire. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Déclaration en ligne, c'est beaucoup plus rapide. Parce que TaxonWeb en remplit automatiquement une grande partie. Juste un contrôle, un ajout ou une petite correction, et c'est fini. Pas encore d'accès? Surfez vite sur TaxonWeb.be. La météo. Bonne fin de journée à tous. Encore des averses et des coups de tonnerre au programme de cette soirée. Heureusement, la nuit prochaine, ça va se calmer. Le temps redeviendra brumeux. On notera encore quelques averses le long des frontières de l'Est. Minima de 9 à 13 degrés. Demain matin, ce sera très nuageux et on aura déjà, à partir du littoral, quelques averses en matinée. Averses qui, l'après-midi, vont commencer à se multiplier et qui pourraient toujours, très localement, mais moins qu'aujourd'hui, se ponctuer d'un coup de tonnerre. Côté température, 14 à 17, voire localement 18 degrés. La véritable amélioration, ça se confirme, c'est pour dimanche avec un temps qui devient sec. 16 à 20 degrés attendus. Lundi et mardi, de belles éclaircies et une moyenne de 17 à 21 voire 22 degrés. Voir Thibaut plonger sur un grand écran ? Chez Vandenborre, nous sommes prêts pour le foot. Avec les dernières TV pour la meilleure expérience visuelle. Vandenborre. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet, bonsoir. Bonsoir. Des avions qui décollent en retard, des passagers qui rentrent chez eux sans bagages. Le personnel de la société de manutention Swissport de l'aéroport de Zaventem est en grève. Il réclame plus d'effectifs. L'Italie vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro de football en battant 1-0 la Suède. L'Italie qui joue dans le même groupe que la Belgique, on verra que cette victoire implique ce que cette victoire implique pour les Diables Rouges qui jouent demain. Quelle est la situation, Pierre Colarbovis, sur les routes à cette heure-ci? Eh bien, il y a eu pas mal d'accidents sur le ring de Bruxelles, ce qui a ralenti très fort la circulation. Et la circulation, même si les accidents sont terminés pour la plupart en tout cas, la circulation est très très dense sur le ring de Bruxelles à l'heure qu'il est. Sachez-le, si vous devez prendre un avion à l'aéroport de Zaventem, un vol sur deux au départ connaît du retard. Le retard moyen est de 45 minutes. Le personnel de la société de manutention Swissport est parti en grève pour protester contre un manque d'effectifs. Il est conseillé aux passagers de vols qui sont manutentionnés par Swissport de voyager uniquement avec des bagages à main. Le site de Brussels Airport renseigne ses compagnies. En début d'après-midi, une réunion a commencé pour tenter de trouver une solution. Les syndicats attendent de Swissport qu'elle engage au moins 20 équivalents temps plein supplémentaires pour la période des vacances. Une reconstitution, en ce moment, elle se déroule avenue des Casernes à Etterbeek en région bruxelloise. Elle concerne les préparatifs de l'attentat de la station de métro Malbec du 22 mars. La police a indiqué à différents habitants de la rue que celle-ci devrait durer, cette reconstitution, jusqu'à au moins 18 heures. Le 24 mai dernier, lors de la grande manifestation nationale, le commissaire Van der Smissen avait été agressé par un manifestant de la FGTB. L'agresseur exclu aujourd'hui du syndicat socialiste s'était spontanément présenté ensuite à la police. Il comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le cadre d'une procédure accélérée. Il est poursuivi pour coups et blessures, rébellion et port d'armes prohibées. Compte rendu d'audience, Roland Brunel. Interrogé dès le début de l'audience par le président Hénard, le manifestant poursuivi et auteur présumé des coups au commissaire a d'emblée exprimé des regrets que le commissaire Van der Smissen lui-même et son avocat Sven Marie ont considéré comme sincères. Je pense véritablement pas que c'est un casseur. Je pense pas que le commissaire Van der Smissen pense que c'est un casseur. Et son état d'esprit à M. Van der Smissen est celui de quelqu'un qui accepte ses excuses et ses regrets. Une réaction que la défense du manifestant violent a appréciée et interprétée comme un premier signe d'appréciation apaisement, maître Pierre Huet. Il est venu à l'audience avec évidemment beaucoup d'appréhension parce qu'il allait rencontrer le commissaire Van der Smissen. Je pense qu'il était soulagé d'entendre que ses propos étaient compris. Et il a aussi été sensible à l'attitude du commissaire Van der Smissen qui a exprimé la considération que les regrets de M. Fauré étaient sincères. Reste que l'agression qu'il estime instinctive et amplifiée par l'alcool, l'avocat Sven Marie, lui, n'y croit pas. Je pense que quand on voit les images et quand on voit la préparation, je vais dire, c'est se placer, c'est attendre, c'est observer le commissaire et puis partir pour le frapper, avec une distance quand même à parcourir, c'est plus instinctif. 30 mois de prison avec sursis ont été requis. Le jugement sera rendu en principe le 24 juin. Certains ont déposé un petit mot, d'autres un bouquet de fleurs. Les habitants de Birstall, petite ville tranquille du nord de l'Angleterre, sont en deuil, abasourdis par le meurtre de la jeune députée travailliste Jo Cox. Le Premier ministre britannique et le président du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, ont rendu un hommage à la députée pro-européenne. David Cameron a lancé un appel à la tolérance et à l'union. Le Parlement britannique, en vacances depuis mercredi pour cause de référendum la semaine prochaine, a été rappelé pour rendre un nouvel hommage. Ce sera lundi. La justice allemande a condamné un ancien SS âgé de 94 ans à 5 ans de prison. Reinhold Hanning avait été gardien du camp d'extermination d'Auschwitz. Il n'y avait pas de preuves qu'il avait personnellement commis des crimes. Mais Daniel Fontaine, il a été considéré comme complice de la mort des victimes du camp. Reinhold Hanning l'a reconnu lui-même dans une confession écrite. Il savait qu'une grande partie des gens qui arrivaient en train à Auschwitz étaient ensuite abattus, gazés et brûlés. Sa défense réclamait l'acquittement en raison de l'absence de preuves de sa participation directe au meurtre. L'accusation ne lui reprochait aucun acte criminel précis, mais elle a souligné qu'il était un rouage d'une machine d'extermination constituée par l'ensemble du personnel du camp. La cour a reconnu l'ancien gardien de 94 ans coupable de complicité dans la mort de 170 000 personnes. Il a été condamné à 5 ans de prison pour son rôle dans les différentes formes de l'extermination, allant des chambres à gaz aux exécutions et aux meurtres par sous-alimentation. Pour les survivants de la Shoah et les descendants des victimes, ce procès marque un grand pas, même tardif, dans l'examen complet des meurtres de masse commis à Auschwitz. Le mystère entourant le crash du vol MS-804 d'Égyptair qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai avec 66 personnes à bord pourrait bientôt être levé. La seconde boîte noire de l'appareil, celle qui contient les données techniques de navigation, a été repêchée. Hier, les enquêteurs avaient récupéré la première boîte noire, celle qui contient les enregistrements des conversations des pilotes dans le cockpit. Encore un but dans les dernières minutes. Cela devient décidément une marque de fabrique de cet Euro. Ce but, c'est celui d'Eder à la 88e minute de match. Il offre le point à l'Italie face à la Suède. Score final 1-0 pour la Squadra Azzurra. Une rencontre que l'on a suivie avec un intérêt certain puisque c'est un match du groupe des Belges. Bonsoir Manuel Jousse. Bonsoir Diane. Cette rencontre, évidemment, vous l'avez suivie. Ça veut dire quoi exactement pour les Diables? On rappelle que demain, ils rencontrent l'Irlande. Oui, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, finalement que cette victoire de l'Italie sur le fil, vous l'avez dit, c'est une constante dans cet Euro. Tous les deux matchs, c'est la statistique, un but est inscrit dans les cinq dernières minutes. Et donc, ça a trois conséquences. Bah, d'une part, que l'Italie est assurée d'être qualifiée pour les huitièmes de finale. D'autre part, qu'on ne peut plus terminer premier de notre groupe, puisque l'Italie compte 6 points et que nous en avons actuellement 0. Et autre chose, on ne peut pas être éliminé demain même en cas de défaite, que l'on n'ose pas imaginer. Mais enfin, tout de même, face à l'Irlande, ce qui n'aurait pas été le cas si la Suède avait battu l'Italie. Donc, de ce côté-là, ce n'est peut-être pas si mal pour les Diables Rouges avant cette rencontre face à l'Irlande, qu'il faudra donc absolument remporter. Mark Wilmots a tenu tout à l'heure sa conférence de presse. Il n'a pas levé le voile sur l'équipe qui allait débuter demain, mais il s'en est sorti, comme à son habitude, par une petite pirouette en expliquant qu'il allait effectuer entre 2 et 10 changements. Ben oui, c'est assez vague évidemment. Il a précisé que seul le gardien Thibaut Courtois était sûr de sa place. Pour le reste, il faudra attendre demain avec beaucoup d'Irlandais puisqu'on nous en annonce ici, ce sont les chiffres de la préfecture de Bordeaux, 20 000 alors qu'il devrait y avoir 12 000 Belges dans le stade de Bordeaux. Et ce match, il commence à 15h. Merci Manu Jousse et tout ça sera évidemment à suivre sur tous les médias de la RTBF. Pour l'heure, il est 17h07. Toute l'info est sur rtbf.be. Et si les décisions en matière de crédit se prenait en tenant compte des spécificités locales. C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Merci d'être fidèle à la première, c'est évidemment presque sérieux, Walid. Effectivement, dernière ligne droite avant de retrouver Soir Première tout à l'heure à 17h30. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Dernière ligne droite, dernière demi-heure de C'est presque sérieux en ce vendredi que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première avec l'élite, oui, la Dream Team de ce vendredi qui vous accompagne avec de l'impertinence, du rire. Et pas de pronostic aujourd'hui, mon petit poule, Raoul, pour éviter de porter la choumoune. Oui, en plus, si je l'ai fait gagner, moi, je n'aurais quand même rien. c'est vrai. Raoul Rer, c'est avec nous, Edgar Schotz, qui reviendra dans quelques minutes sur ce tragique fait divers en Angleterre. Il y a Gilles Dall et une interview d'un invité surprise. Absolument. Ouais, on découvrira ça dans un instant. Il y a Catherine Ronvaux pour quelques minutes encore avec nous. Bonjour, bonjour. Catherine. Bonjour, il y a Fred Dubus. Ça va, Fred? On ne lâche rien. On ne lâche rien. On va tout donner. Jusqu'au bout. Et on ne lâche rien, justement, avec dans la suite le Presque un jour dans l'histoire. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Houston, on a un problème. Presque un jour dans l'histoire, rendez-vous lundi, un jour dans l'histoire de 13h30 à 14h30 sur la première, au sommaire de l'insoumission à la révolte, le grand récit de l'émancipation des esclaves avec Laurent Dehausset. Laurent Dehausset qui vous donne rendez-vous également dans C'est presque sérieux avec une question. Question en rapport avec le 17 juin. Voici votre question. Cadeau devenu un symbole, je fais la fierté de mon pays. Qui suis-je ? Facile. La statue de la liberté. Bah oui, bien sûr. Voilà. Oh, bah déjà ? Bah oui, mais ouais, ça va. Je n'ai pas entendu la question, bah on y avait déjà répondu. Cadeau devenu symbole, je fais la fierté de mon pays. Bartholdi. La statue de la liberté, effectivement, Bartholdi. 17 juin 1885, la statue de la liberté arrive simplement à New York. Le navire français l'Isère, parti du port de Rouen 2 mois plus tôt, arrive à New York avec à son bord bien cette statue appelée la liberté éclairant le monde. Symbole donc de l'amitié entre la France et les États-Unis depuis l'indépendance américaine. C'était une statue de bronze de 46 mètres de haut. Et l'œuvre donc de Bartholdi, comme le disait notre cher Fred Dubus, une armature de fer qui a été conçue par Eiffel. Gustave Eiffel, voilà, et l'ouvrage est stocké dans 210 caisses. Vous imaginez 210 caisses de... Ah, quand même. Ah oui. C'est de l'IKEA de luxe. Voilà. Et le socle qui était donc à la charge des Américains, je crois qu'il est en granit rose, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il n'est pas bleu? Je crois qu'il question, oui. Je crois qu'il est rose. Ça dépend d'où vient le soleil. C'est vrai, ça dépend si vous êtes daltonien ou pas. Voilà, c'est ça aussi. Donc voilà pour le presque un jour dans l'histoire du jour. On salue bien entendu les statues de la liberté qui a toujours depuis des années le bras levé et on se demande s'il n'a pas des crampes. Tiens, cette statue de la liberté. Dans la suite, on s'intéresse à l'actualité avec Edgar Schotz et on va du côté de l'Angleterre avec l'assassinat de Joe Cox. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. C'est pas Churchill, ça? Eh oui. Hier, la députée travailliste Jo Cox se faisait assassiner en pleine rue, un acte qui donne donc un tour singulièrement tragique à la campagne britannique du référendum sur le Brexit, un tour tragique sur lequel vous revenez, Edgar. Oui, un tour tragique, puisque comme on l'a beaucoup répété, Jo Cox était une des politiciennes les plus en vue à défendre le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union Européenne. Quant à son assassin présumé, Thomas Mair, il semble lui être connu pour souffrir de nombreux troubles mentaux et entretenir des liens avec des groupuscules néo-nazis. Aucun rapport entre les deux, évidemment. N'empêche, avec ces deux qualités de néo-nazi et de malade mental, on peut quand même se demander ce qu'il faisait hier dans la ville de Birstall, West Yorkshire, où il a commis son acte barbare. Hein ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Pourquoi était-il là et pas avec tous ses amis qui avaient traversé la Manche pour venir pratiquer, en effet, un peu d'exercice sportif et se dérouiller les jambes, et pas que les jambes, dans les rues de Lille ou Marseille. Parce que ça, il faut le savoir, le néo-nazi, quand il ne voyage pas, il devient nerveux et un peu incontrôlable. Hein ? Comme dirait Corentin Candy, je n'ai rien contre les néo-nazis, mais un néo-nazi nerveux, ça fait un peu penser à David Jean Motte sous cocaïne. D'ailleurs, Marine Le Pen, cette néo-nazie saine d'esprit, ne dit pas autre chose que Corentin Candy et moi. Oui, je traite Marine Le Pen de néo-nazie saine d'esprit parce qu'il n'y a aucune raison que dans l'équipe, il n'y ait que Vincent Flibustier qui ait droit à un procès de la part de la famille Le Pen. Marine Le Pen, donc, ne dit pas autre chose que nous. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de condoléances qu'elle a adressé à l'occasion de l'assassinat. Non. Je vous le lis in extenso. Oui. Méprisées par leurs élites inféodées à Bruxelles, les classes populaires ont parfois recours, elles aussi, à une forme de violence. Eh ben. Oui, alors je sais que le langage néo-nazi est parfois raffiné et recourt à de nombreuses métaphores et périphrases qui sont susceptibles d'obscurcir quelque peu le cœur du message. Je vais donc me livrer à un petit exercice d'exégèse et vous livrer une interprétation plus claire du cœur de ce message. Ça donne quelque chose comme « Eh, grosse pute vendue à l'Europe, tu l'as quand même un peu cherché, salope hein, !» C'est assez clair. C'est à peu près ça, je pense. Quoi qu'il en soit, je demande évidemment solennellement à tous les néo-nazis saints d'esprit de se désolidariser et de condamner cet acte barbare. Et ne riez pas, j'en connais beaucoup des néo-nazis saints d'esprit, notamment à la rédaction de Sud Presse. Oui, je continue à marcher dans les pas de Vincent Fibusquier. Bon, ceci dit, ça commence à faire vraiment un peu peur, cette recrudescence de la violence politique de tous côtés à propos d'à peu près n'importe quel sujet. Je commence même à méfier et à avoir un peu peur de ce qui se passera le jour où Charles Michel décidera d'organiser un grand référendum pour savoir si, oui ou non, la Belgique doit demeurer au sein du Benelux. Ah oui, l'actualité revue et corrigée par Edgar Schotz à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Dans la suite, eh bien, tiens, un invité surprise. Absolument, ah, ouais, C'est du lourd. Ça, c'est encore une fois une phrase sortie de... qu'on peut replacer dans n'importe quel contexte. C'est pour ça que je la replace. C'est du lourd. Eh bien, restez avec nous pour du lourd. Avec cette semaine, un invité surprise. De qui s'agit-il? Eh bien, vous allez le découvrir dans quelques minutes dans C'est presque sérieux. Faites rentrer l'invité mystère. C'est presque sérieux sur la première. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on nous a abandonnés au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Hey Bob, ouais. Tu vas le prendre mal si je te dis que j'ai un truc qui va vous mettre de bonne humeur, vous les Angry Birds? Dis toujours. En ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options du Citroën Grand C4 Picasso 7 places avec sa nouvelle boîte automatique. Oh, ouais! Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. La première, la 2 et le Conseil de la musique présentent le village de la fête de la musique. Les 18 et 19 juin, retrouvez-nous au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire, Bachar Markelife, Dan San, Max Romeo et plein d'autres. C'est gratuit. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Moustique le soir et Grand Casino Brussels-Village. Progression dans les sondages, sens de la com, opposition au système, contexte économique et social favorable. Et si le PTB suivait la trajectoire de la NVA? Raoul et Debeau est-il le Deauwever wallon? L'enquête dans le Vifle Express. Le Vifle Express, pour ne rien vous cacher. En 2 ans, 38% de cyberattaques supplémentaires. Découvrez comment protéger votre entreprise sur smartalwayswins.be. KPMG, votre partenaire en cybersécurité. La première, Mobile Info. À 17h16, retrouvons Pierre Collard-Bovy. Pierre, des nouvelles du chien? Mais le chien a disparu depuis longtemps. La nouvelle du match, il est fini quand même. Ouais. Alors bon, un véhicule est en panne sur le 411 Bruxelles-Namur à hauteur d'Auderghem. La bande droite est neutralisée en direction de Namur. Un accident sur le ring de Bruxelles. Circulation intérieure à hauteur de Hopin. La bande droite est neutralisée. Et tous les autres soucis du ring ont disparu. Mais il y reste encore les travaux d'Anderlecht, évidemment, qui vous ralentissent dans un sens comme dans l'autre. Le temps de parcours encore assez important sur le ring de Bruxelles. Il n'est quand même que 17h16. 37 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Plus 36 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre. Plus 32 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Plus 23 pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Plus 18 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Et plus 13 pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre. C'est dit que ça ralentit encore bien sur le ring de Bruxelles. Vous perdez une petite dizaine de minutes dans les travaux sur le 42 Prume Baptiste en direction de Prume vers Baptiste. C'est plutôt fluide. Depuis un pneu pourrait vous gêner sur la même autoroute 42 Baptiste Prume à hauteur de Malmedy, la bande de gauche est encombrée en direction de Prume. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Soir première d'ici quelques minutes et comme tous les jours de la semaine, nous vous emmenons jusqu'à 17h30, l'heure à laquelle vous retrouverez donc l'actualité sérieuse. D'ici là, moins sérieux, nos chroniqueurs qui reviennent, eux, avec une dose d'impertinence et de savoir-faire sur toute l'actualité, rien que l'actualité, ce 7 jours sur 7, tous les jours de la semaine, sur la première. Rendez-vous d'ailleurs demain pour le best-of entre 16h et 17h30. Pas demain. Il n'y a pas demain. Mais non, ah c'est oui, une c'est émission foot. Spéciale. Ah oui. Et dimanche, il y aura un best-of. Vous êtes sûr? Mais oui, je l'ai fait. Du coup, ça sera vraiment bon. C'est ce dont il parle. Le best-of n'est pas en direct. Bah écoutez, voilà. Donc, on vient refaire nos meilleures blagues. Ben non, de Dieu. Demain, foot hein, aussi, hein, 15h, tous derrière si les diables. C'est foot, je me demande si c'est pas une émission musicale. Oui, ouais. Personne n'écoute la radio demain, je vous rassure. Ce sera de la musique demain, on me dit dans l'oreille. Oui, hein. Voilà, c'est Roxane Brunet qui me souffle ça à l'oreille. J'adore quand Roxane me susurre des mots à l'oreille. Et moi. Et vous alors. Justement, tiens, intéressons-nous à l'actualité, ou presque. Hein, avec Gildel, on est toujours à l'abri d'une surprise. Alors, c'est brûlant. C'est brûlant. Bien, justement, je ne demande qu'à voir nos auditeurs également. Cette semaine, mon cher Gilles, vous recevez un invité, donc surprise, je pense, hein, n'est-ce pas? Mais oui, cette semaine, chers amis, je reçois en effet un invité surprise. Alors, pourquoi surprise, me direz-vous? Eh bien, je vais vous répondre. Tout simplement parce que je suis sur le coup depuis plusieurs mois et que jusqu'au tout dernier moment, ben, j'avais peur qu'il n'annule. Donc voilà, je voulais surtout pas créer de faux espoirs. Hein. Mais à présent, il est là, dans notre studio, parmi nous, en chair et en os. Et je suis donc ravi de vous présenter notre invité surprise, qui n'est autre, tenez-vous bien, que Roger Jean-Pierre. Parfaitement, Roger Jean-Pierre, qu'on ne présente plus, évidemment. Enfin, je vais quand même présenter, vu vos réactions, Roger Jean-Pierre, qui est donc, comme chacun sait, à l'exception de ceux qui manifestement ne le savent pas, l'ancien présentateur météo de Vouf TV, hein, la fameuse chaîne canine wallonne qui, hélas, connaît de légers problèmes de diffusion depuis quelques mois, mais qu'on peut suivre sur Internet. Pas trouvé son public. Enfin, dès que le site sera rétabli. Alors Roger, vous venez nous rendre visite à l'occasion de la parution de vos mémoires sans concession, comme vous les appelez, intitulées La pluie et le beau temps, mémoires aux quatre vents, publiées aux éditions de La Feuille du Chêne qui tremble. Ah alors, voilà. Avant toute chose, eh bien, bienvenue. Et surtout merci d'être parmi nous, Roger, parce que je vous sais très très très occupé. Non, pas du tout. Hein. Pour le moment, je n'ai rien à foutre. Oui, enfin, je disais ça pour être sympa. Alors Roger, bienvenue donc, et surtout merci d'être là. Merci et de rien. Non, merci à vous. Ben non, de rien, et merci de m'accueillir. De rien, mais surtout merci à vous. Non, à vous. Bon, ben dans ce cas, merci à nous deux. Alors Roger, oui. Non, ne m'interrompez pas. Pour commencer, une première question qui me brûle littéralement les lèvres. Aïe, est-ce que dans votre livre, il y a des anecdotes? Oui. Ok, et deuxième question qui me brûle tout autant les lèvres. Aïe, est-ce que ces anecdotes sont savoureuses? Oui. Bien. Est-ce que vous en avez une en tête? Ben oui, écoutez, j'ai une anecdote, mais elle est toute récente, donc elle n'est pas dans le bouquin, évidemment. C'est pas grave. Il y a quelques temps, mais vraiment très très très très peu de temps, figurez-vous que j'étais invité dans une émission de radio et mon intervieweur n'avait pas lu mon bouquin. Allez. Ouais. Et ce type vient de dire « Allez ». Voilà. Bien. Alors, dites-nous, Roger Jean-Pierre, qu'on ne présente plus et qu'on remercie d'être là, est-ce que dans votre livre, il y a des anecdotes savoureuses dont vous aimeriez nous faire part? Oui. Ok, est-ce que vous pouvez nous en raconter une? Oui. Ok, putain, mais tu l'as causé, est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Ah oui, oui, oui. Ok, ben on vous écoute. Ben j'espère bien, sinon ça ne servirait à rien de m'inviter. Ben écoutez, allez-y maintenant. Où ça? Non, bah, racontez votre anecdote. Ah d'accord. Alors par exemple, eh bien une fois je présentais la météo et tenez-vous bien, j'ai été pris d'un fou rire. Allez, et, c'est tout? Oui. Et comment ça s'est terminé? Bah écoutez, mon fou rire a fini par passer et j'ai continué ma présentation. Chouette anecdote. Ouais, bon bouquin, rien à redire. Une autre anecdote peut-être? Oui, une fois mon prompteur s'est bloqué. Allez, ah. Et alors, dites comment ça s'est terminé? Bah, le prompteur a redémarré. Et j'ai continué ma présentation. Bien. Une troisième et dernière anecdote, peut-être, pour la route? Oui, une fois, pendant ma présentation, j'ai glissé. Et je suis tombé en arrière. Allez, dites. Et comment ça s'est terminé? Ben, j'ai repris mon équilibre et j'ai continué ma présentation. Formidable. Et dites-moi, je vois dans votre introduction que vous dédiez cet ouvrage à votre femme. Pourquoi ? Parce qu'elle me l'a demandé. Bien, bien. Eh bien, nous arrivons tout doucement, hélas, déjà à la fin de cet entretien exceptionnel qui fera date. Alors, une toute dernière question pour la route, puisqu'il nous reste 4 secondes. Une dernière question, Roger Jean-Pierre, quelle heure est-il ? 17h22 et 52 secondes. Eh bien voilà, à la semaine prochaine avec un autre invité d'exception. Le truand. Je n'y crois pas, le truand. J'avoue que je suis un peu gêné, mais ça va passer. Non mais, oui c'est ça. De toute façon, le week-end est là. On peut tout oublier. Les gens oublient. Oui, on va oublier dites tout Diable Rouge et c'est fini, on a déjà tout oublié. Diable Rouge, vive voilà, le diable. Voilà, on a déjà tout oublié. Ça va Raoul ? Ça va. Très beau rôle. Il a perdu 3 kilos. Ouais, là, ça, c'est clair. Bon, 5 depuis le début de l'année. 17h23, c'est l'heure de remettre les Philippes de la semaine. Cette conversation est terminée. Une actualité ou une personnalité qui a fait du mal, qui a fait du tort à votre semaine. Raoul Reyers. Bah, pas spécialement à moi, mais ici, c'est un garçon de 6 ans qui a appelé la police pour dénoncer son père qui avait grillé un feu rouge. Non. Si, il commence bien. Non, à mon avis, il sera commissaire avec un capi. Et il a reçu une amende ou pas ? Bah non, il n'a pas donné d'amende. Il a reçu deux claques. Il faut, de son faut père. Le prouver aussi. Que... Mais j'ai pris une photo. Sale gosse. On va poser la même question, le Philippe de la semaine, pour Catherine Ronvaux. Eh bien, j'ai oublié le Philippe, mais je pense que j'en ai un quand même. C'est ce footballeur italien qui vient de marquer... Donc ça veut dire que... Non, mais si, parce que demain, on va gagner d'office. Et donc on est parti, nous, femmes belges, qui... On apprécie le foot, mais quelque part, voilà, nos maris ne sont plus à la maison. On est toutes seules avec les enfants, donc... Toutes seules avec nos amants. Oui, enfin, qui eux aussi regardent le foot, donc ça ne sert pas à grand-chose. Faut mieux les choisir. Et donc faut voilà, filles, hein. qu'est-ce qu'on va faire ? On va prolonger cet euro belge jusqu'à la finale maintenant. Ça dure combien de temps au fond l'euro ? Ah ben un mois. Je sais pas. Je crois que la Belgique va sortir de l'euro avant l'Angleterre. Ça finit depuis juillet. Ouais. Même question, le Philippe de la semaine à Edgar Schott. Le temps pour Fred Dubus de chercher le sien, hein, puisque comme d'habitude, un bon élève qu'il est. Je fais tout à la dernière seconde. Bah, bien sûr, alors on va écouter Edgar Schott. Oui, moi c'est un Philippe un peu paradoxal évidemment, puisque d'une certaine façon il m'a fait plaisir cette semaine, c'est Alain de Stex bien entendu, qui a été comme on le sait, suspendu de sa locale à Ixelles, et dont on peut dire désormais qu'il est officiellement un demandeur d'asile politique. C'est ça vrai. Me fait c'est assez pas, bien rire. C'est mais pas il faux. A déjà retrouvé, non ouais, oui, il a... Non, on parle de Woluwe Saint-Pierre, Saint-Lambert. Ouais. Mais ça on n'est parle, pas plus sûr que mais ça. On parle, c'est-à-dire que déjà de l'autre côté ils sont en train de se demander si c'était une bonne idée. C'est-à-dire, finalement... Il faut voir. Il faut voir. On se tâte. Hein, peut-être que ce sera bientôt votre invité surprise, Gildal. Si vous voulez. Hein, pourquoi pas. Quand il écrira un livre aux éditions Bord d'hiver. Prenez note. Et enfin, Fred Dubus. Non, mais alors moi, j'hésite toujours, mais je crois que je vais prendre Corentin Candy. Pourquoi ? Mais juste, ça ne me fait pas plaisir, évidemment, mais... L'université David Jean Motte. Revenons. J'ai pensé à lui tout de suite. Mais tout le monde, vous savez. Mais oui. Tout le monde a pensé à lui. Mon Dieu, le pauvre. Il pourrait donner cours à cette université. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis là. Mais non, qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce qu'on a des nouvelles ? Il paraît qu'il se la pète un peu. Alors moi, j'ai des nouvelles. Oui. On va bientôt le retrouver en télé. Non. Je peux pas vous dire. Relooké par David Jean Motte. On se moque des gens, mais la Belgique c'est trop petit pour se fâcher avec n'importe qui. Mais c'est vrai. Donc on retrouve toujours cette personne-là. Et bien, Corentin Candy vous attend à la sortie de dans Secret Story. Ouais. Bon, non, ce sera pas dans Secret Story. Corentin Candy, c'est pas un secret. C'est pas garder un secret. Mais attendez, il arrive déjà pas à gérer son stress pour faire 3 minutes de billets. C'est ce qu'il m'a dit. Comment est-ce qu'il va faire ? C'est ça qui va être drôle. C'est pas bien de parler. Ah non, c'est ça, c'est clair. Bon, allez, ça s'appellera 97 minutes en chiffre. Ah là, non, faut pas tout griller. Ah, je ne dis pas que c'est de cette émission-là. Ah, ah voilà, il va remplacer Guillermo Guise. Ah, on ne sait pas. Bon, en tout mais cas. Ouais, voilà. Mais oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est... Vous le dire. Il m'a dit texto, il m'a dit ça comme ça, il m'a fait. Et il me propose de venir signer un contrat. Je leur ai dit, attendez quand même, de faire 3 émissions avant de me proposer un contrat. Je fais rien que ça, c'est drôle. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de courage. Il sera bientôt de retour avec nous la semaine prochaine, bien entendu. entendu. Rendez-vous non pas demain pour le best-of, mais dimanche entre 16h et 17h30 pour un nouveau numéro de C'est presque sérieux, la crème de la crème de cette semaine, avec de la couleur, avec de l'actualité, avec du rire, certainement de l'impertinence au menu de votre dimanche. Et nous serons de retour dès lundi pour un nouveau numéro de C'est presque sérieux. Portez-vous bien, passez un excellent week-end, foot ou pas foot, en tout cas, restez fidèles à la première. Nous serons de retour comme promis au même endroit, même heure. Merci Fred Dubus. Mais au plaisir, dites. Merci Catherine Ronvo. Merci Wally. Merci Gilles Dalle. J'en ai un super Philippe. Merci. Ah oui, il en avait un. Ah c'est vrai, vous en avez un? Non. Merci Garchot. Je n'oublie pas tout ce que je vous dois, Wally. Merci à Raoul Reyers également. Sans mais qui, merci à Walid. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Mais... merci à Raoul Reyers. Merci. Prenez quelque chose à boire. Oui, bah, on va prendre un café. Restez presque sérieux. On vous laisse. Rendez-vous avec Olivier Nederland dans quelques minutes pour Soir Première, plus sérieusement. Et portez-vous bien. Passez une belle fin d'après-midi sur la première. À lundi. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h, le monde est un village. Belgique, terre de festival, l'été, moment très festival, et ce sera le cas ce soir dans Le Monde est en village. Nous allons évoquer le festival Couleur Café qui aura lieu d'une façon imminente. A tout à l'heure. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Ticket sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh, le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. Oh. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. La première et la 3 présentent Fans de cinéma de tout poil, le rendez-vous de l'année approche. Le Brussels Film Festival ouvre ses portes du 17 au 24 juin à Flagey. Avant-première, projection en plein air, brocante, ciné-concert et des rencontres avec des invités, Guy Bedos et bien d'autres. Tout le programme sur brff.be avec la région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles.